Si vous qui voulez rigoler sur la route, vous avez rien à dire. Il fait mes signes, moi je sais reconnaître comme ça, c'est tout. C'est quoi la démonstration? C'est un costume.